faut dire que depuis 10 jours, les arrêts de travail ont gagné les services du ministère de la Santé, des Finances, du Plan, du Travail et de la Justice. Désormais, le gouvernement s'engage à payer effectivement les mois d'arriérés au fur et à mesure des disponibilités du trésor public, dit-on à Cotonou, mais uniquement aux fonctionnaires dociles. Déjà, les menaces de licenciement ont été mises à exécution. 23 enseignants, dont 2 femmes, ont été radiés pour avoir appelé à la poursuite de la grève les 6 juillet dernier. 400 autres risquent depuis plusieurs semaines la même sanction. Reste à savoir maintenant si les contestataires courberont les chines ou non. Réélu 2 mois plus tôt président de la République, fonction qu'il occupe depuis 17 ans déjà, Mathieu Kérékou, le 7 décembre 1989, annonce dans un communiqué que le marxisme-léninisme, le marxisme-béninisme, comme l'appelleront certains, n'est plus la doctrine officielle du parti.